De retour à Futur Simple, toujours sur les ondes de CKRL 89.1, et je suis maintenant en compagnie de l'astrophysicien Jean-René Roy pour un long voyage à bord des sondes Voyageur 1 et Voyageur 2. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, Réhari. Alors ces sondes, Jean-René, ces sondes Voyageur 1 et Voyageur 2, elles ont maintenant 47 ans. Très belle longévité, toujours active ces sondes-là. Pour nous remettre un petit peu dans le contexte, pouvez-vous nous rappeler l'histoire, le début de ces missions, pourquoi elles ont été, dans quel objectif elles ont été envoyées ces sondes-là? Donc, il faut se ramener un peu à la fin des années 60 où le projet Apollo était bien en marche avec le premier alunissage en juillet 1969. Et entre-temps, il y avait aussi un programme en parallèle de sondes robotiques envoyées d'abord sur la Lune pour savoir où on allait avec des astronautes et aussi pour explorer les planètes proches comme Vénus et Mars. Et ces sondes, ce programme s'appelait le programme Mariner. Donc, les planètes proches ayant été aussi explorées dans les années 60, on a décidé qu'on avait maintenant les connaissances et les atouts et le financement pour se lancer à la découverte des programmes des planètes beaucoup plus lointaines, Jupiter, Saturne. Et on a mis sur pied le programme Explorer, qui a été d'abord avec une sonde qui s'appelait le Pioneer 5, la première, qui aussi s'est sortie de ce qu'on appelle l'influence solaire, sur laquelle on va revenir. Donc, le grand programme, c'était le programme Voyageur. Et on a construit deux sondes, Voyageur 1, Voyageur 2. Et la raison était, d'abord, vu qu'on allait loin, on s'est dit qu'il y avait peut-être possibilité qu'une des deux sondes ait une faille et qu'elle cesse de fonctionner. Et l'autre grande inconnue était la présence d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. On connaissait mal la densité et la possibilité de collision était prise en considération très sérieusement. On s'est dit, on va en envoyer deux pour qu'il y en ait au moins une qui passe. Donc, on se retrouve 47 années plus tard avec deux sondes qui fonctionne toujours relativement bien à très, très grande distance. Ouais. Est-ce que... Et le programme principal, c'était d'explorer Jupiter et Saturne. Voilà. Et puis, elles étaient prévues pour une durée de 4 ans? 4 ans. En fait, ce qu'on voulait s'assurer, c'est qu'on fasse des vols frôlés parce qu'on ne mettait pas ces sondes en orbite comme on le fait maintenant avec les nouvelles missions pour explorer longuement la même planète. Donc, la sonde faisait juste passer à côté et on orientait la trajectoire pour qu'elle puisse non seulement photographier, prendre des mesures des planètes principales, Jupiter et Saturne, mais aussi de quelques-unes de leurs lunes. Mm-hmm. Et ce qu'on a bien réussi. Donc, si on fait un petit historique, Voyageur 2 a été lancé la première, même si Voyageur 2 a été lancé la première le 27 août 1977 et peu après, Voyageur 1 a été lancé le 5 septembre. Et les deux sondes sont arrivées en 79, ont passé à côté de Jupiter, ont photographié Jupiter, leur lune Io, entre autres. Puis au moment où on passait, il y avait des volcans sur Io, quelle belle coïncidence. Et on a aussi passé une distance relativement proche des lunes Ganymède, Callisto et Europe, qui sont les principales lunes, pour en prendre des images. Pour la première fois, on voyait le détail de surface de ces grands univers glacés que sont de très, très grosses lunes de Jupiter. Dans des instruments de mesure, elles étaient équipées comment? J'imagine que les instruments de mesure à l'époque sont pas ceux qu'on met aujourd'hui sur les sondes d'aujourd'hui. C'est à peu près la même chose. Oui. Donc, parce qu'on mesure toujours la même chose. On met des caméras. Donc, évidemment, avec des détecteurs de plus grande performance. À l'époque, c'était plutôt des caméras de type télévision. Aujourd'hui, on prend des détecteurs à type de circuit d'état solide avec ce qu'on appelle des CCD, comme ceux qui sont installés sur tous les téléphones portables. Donc, à l'époque, c'est une technologie qui finalement était une imagerie électronique qui fonctionnait très bien, que donner ces images absolument spectaculaires. Parce que faut se rappeler, on était avant Hubble. Hubble donne de bonnes images des planètes géantes, distance, mais il n'y a rien qui ne remplace, même aujourd'hui, des sondes qui s'approchent de ces planètes et qui les photographient avec des détails absolument qu'on ne peut pas atteindre, même avec le James Webb. Donc, ces missions robotiques demeurent le meilleur moyen d'explorer le système solaire. Donc, après le passage à Jupiter, on a atteint Saturne l'année suivante, en 1980. C'est drôle de parler du passé comme ça. Et là aussi, succès de vol frôlé. Et une chose qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'on faisait le vol frôlé, mais on utilise un effet gravitationnel qui fait qu'on prend le champ de gravité et la planète qui se déplace pour avoir, par effet de front, d'accélérer grandement la sonde, donc pour atteindre plus rapidement l'objectif suivant. En même temps, est-ce qu'on profite de cet effet-là aussi pour donner un autre mouvement, un autre élan à la trajectoire, un autre mouvement de trajectoire pour l'objectif? Absolument. Absolument. Donc, c'est très efficace. Donc, c'est pour ça aussi que les sondes voyageurs gardent toujours un peu de carburant, qui est un peu un gaz sous pression qui permet de réorienter la sonde même aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, pour revenir à la question, les instruments, donc il y avait évidemment des caméras, donc sous forme d'appareils de caméras de télévision qui ont pris des images, et aussi il y avait à peu près une dizaine d'autres différents instruments qui mesurent les propriétés du milieu dans lequel voyagent les deux sondes, qui est le milieu interplanétaire, qui est dominé par une espèce d'extension de l'atmosphère du Soleil, donc qui est dominé de particules chargées électriquement, des protons, des électrons, les noyaux des atomes les plus lourds, les abondants, qui finalement s'échappent du Soleil. Et de temps à autre, associés à des éruptions solaires, il y a aussi bouffé. Donc, on mesure non seulement ces particules, leur vitesse, leur densité, on mesure aussi les champs magnétiques associés à cette extension du Soleil comme tel. Donc, ce sont des mesures qu'on fait même encore aujourd'hui, à bord de ces sondes. Les caméras n'ont plus rien à photographier vraiment, sauf quelques dernières images qu'on a prises à la fin des années 80, où on a tourné les caméras pour photographier la Terre, en fait, et les quelques autres planètes, des images absolument spectaculaires, difficiles à interpréter, mais que je trouve extraordinaires. On voit la Terre comme un petit point de rien au milieu de nulle part. Donc, ces mesures ont été faites et ça a été quelque chose qui continue, comme je le dis. Donc, là, la mission devait officiellement se terminer. Le financement devait s'arrêter. Et ce qu'on a décidé, c'est de transformer la mission d'exploration en une mission qu'on dit interstellaire. Mais c'était pas fini parce que si Voyageur 1 était dans une trajectoire qui l'amenait loin des autres planètes externes, on a orienté Voyageur 2 pour arrivé à Uranus en 1986 et arrivé à Neptune en 1989. Et c'était déjà 13 ans. On a pris de très belles images d'Uranus et de Neptune. Et entre-temps, on a fait des découvertes supplémentaires sur la nature du milieu interplanétaire. Mais aussi, on a découvert, et je ne l'ai pas mentionné, un anneau à Jupiter. Donc, Saturne, l'anneau. Jupiter a un anneau très, très faible, très difficile à voir. Et en plus, on a découvert un anneau à Uranus et un anneau à Neptune. Il y avait juste Saturne auparavant, mais là, finalement, surtout avec les planètes, les géantes gazeuses qui ont chacune leur anneau. Donc, c'est une mission absolument extraordinaire. Moi, ça me rappelle un peu les grandes missions maritimes du 17e, 18e siècle. On allait dans le Pacifique pendant des années pour explorer les nouvelles terres, essayer de découvrir ce fameux continent de l'hémisphère sud qu'on appelait Terra Incognita. Donc ici, c'est le Terra Incognita du système solaire qu'on explore avec les deux sondes voyageurs. Puis j'imagine qu'il y avait eu quelques surprises aussi quand les sondes ont frôlé aussi, ont pris des images des différents satellites de Saturne et Jupiter. Il y avait peut-être eu des choses auxquelles on ne s'attendait pas non plus. Les volcans de Io ont été une surprise. Ouais. Des volcans de quoi, d'ailleurs? De soufre. En fait, c'est l'activité tectonique d'Io est due au fait qu'elle est très proche, la petite lune est très proche de Jupiter, donc elle subit des forces de marée qui font en quelque sorte une espèce de compression, dilatation du globe et qui chauffe l'intérieur. Et pour toutes les raisons physico-chimiques, des éléments sont éjectés, un peu comme une espèce de, quand vous avez votre bouteille à pression de peinture et tout. Donc, dans ce cas-ci, c'est beaucoup d'éléments, mais le soufre est dominant et sa couleur jaune domine, en fait, la surface d'Io. Donc, c'était une des belles surprises. Certaines autres surprises aussi, on a observé, parce qu'on avait des caméras avec des filtres spéciaux, que Jupiter avait des aurores polaires, la Terre, qu'on maintenant on observe régulièrement avec des télescopes au sol. Donc, il y a un champ magnétique aussi autour de Jupiter? Oui, Jupiter, ça, c'était connu par des observations de sursauts radioélectriques. Donc dans les ondes radio qu'on observait depuis assez longtemps, depuis l'avènement à peu près de la radioastronomie, je pense depuis les années 1950, on savait que Jupiter avait produisait ses propres orages jupitaux ou joviaux magnétiques, comme on a les orages géomagnétiques ici associés à l'interaction du vent solaire avec le champ magnétique terrestre, donc dans ce cas-ci l'interaction du vent solaire avec le champ magnétique de Jupiter, qui est très, très fort. En quelque chose, le fait que Jupiter ait un champ magnétique assez fort, ça nous apprend quelque chose sur la structure interne de Jupiter? Oui, mais en fait, on n'a pas été trop surpris. C'est certain que les planètes ont des champs magnétiques qui sont, en termes de propriétés de champs magnétiques, les planètes diffèrent énormément. Donc, parmi les planètes terrestres, donc les planètes rocheuses, la Terre a le plus fort champ magnétique. Donc, c'est probablement dû au fait à un noyau un intérieur de Terre qui est plus actif, est-ce que c'était à plus de radioactivité initiale? C'est pas tout à fait compris. Vénus et Mars ont des champs magnétiques, mais jamais aussi puissants et aussi variables que celui de la Terre. Donc, même chose pour les planètes géantes. Parmi les planètes géantes, elles ont toutes un champ magnétique maintenant qu'on mesure avec ces sondes et aussi avec d'autres moyens qu'on fait partir de la Terre, mais Jupiter est vraiment la planète géante avec le plus fort champ magnétique et aussi la planète du système solaire avec le plus fort champ magnétique. Donc, son réseau, quand il y a des aurores polaires sur Jupiter, elles sont vraiment fantastiques. Et concernant les anneaux, là, donc on a découvert les anneaux de Jupiter, Neptune, Uranus. Celui de Saturne, on le connaissait, mais j'imagine que les images des sondes ont permis de mieux le connaître. J'ai un vague souvenir qu'on oui. Initialement on pensait que c'était un anneau, puis là on découvre myriades d'anneaux finalement. Oui, c'est ça. Mais en fait, ça s'applique aussi à Saturne. Saturne, ouais. On a découvert plus tard des anneaux externes, beaucoup plus faibles, beaucoup plus difficiles à détecter. Ça vient une combinaison de techniques de l'espace et aussi à partir du sol. Donc, même chose, je pense, j'ai vu récemment des images de Uranus prises par le télescope James Webb. Et on voit là une structure en anneaux multiples, un peu comme ce qu'il y a autour de Saturne. Mm-hmm. Donc, après, elles ont donc continué finalement ces sondes qui étaient prévues pour prendre des photos, des images de Jupiter et Saturne ont vécu plus longtemps que les 4 ans initiales. Elles ont poursuivi leur chemin jusqu'à Saturne, à Neptune. Elles n'ont pas été frôlées Pluton? Non. Il y avait ce qui était favorable en 77. C'était ce qu'on appelait l'alignement des planètes. Mm-hmm. Donc, la planète n'était pas en ligne là, parce que c'était une courbe qu'il fallait, mais on a vraiment profité d'une espèce de configuration qu'avait le système solaire dans les années 70 pour profiter de ces effets de fronde gravitationnelle et aligner la trajectoire, faire correspondre la trajectoire à cet alignement ou disposition des planètes. Donc, c'était connu, je me souviens, j'étais chercheur postdoctoral à Caltech dans les années 73-74. Je me souviens que le mari de mes collègues là-bas, un Chinois qui travaillait à Jet Propulsion Laboratory, qui est l'institution qui est en charge de voyageurs, ils calculaient déjà en 1973, ils faisaient tous les calculs pour voir quelle était la trajectoire possible pour une future mission voyageur à l'époque. Donc, c'était quelque chose qu'on a planifié et bien d'avance, qui était connu bien d'avance, parce que la configuration du système solaire peut être prédite à des millions d'années dans le futur ou reconstituée dans des millions d'années dans le passé. Donc, une fois ces passages complétés, on a redéfini la mission parce que les coûts étaient modestes. Il s'agissait de maintenir une équipe de chercheurs qui gardait communication pour recevoir les données et aussi de temps à autre de faire en sorte que des antennes critiques de radar et de radiotélescopes pouvaient entrer en communication avec la sonde. La sonde, en gros, télécharge ces données sur une base régulière. Ça ne se fait pas d'une façon continue. Et souvent, vu que le taux de bits qui est transmis est tellement faible, ça prend énormément de temps à le faire. Il faut répéter aussi parce qu'ayant peu de bits, il y a quelques erreurs qui s'y glissent et on faut les corriger. Donc, la mission a continué et ce qu'on s'est donné comme objectif, c'est d'essayer de déterminer quelle était la frontière, où était la frontière de l'influence électromagnétique du Soleil. Cette espèce de bulle de particules que j'ai parlé plus tôt, générées par le Soleil, cette bulle d'électrons, de protons et d'autres particules chargées, jusqu'où elle s'étend, comme une espèce de souffle chargé électriquement. C'est une zone qu'on appelle l'héliosphère. C'est la zone, en gros, qui est déterminée par les champs magnétiques du Soleil, qui vont, en quelque sorte, comme un ballon, entrer en équilibre de pression avec la zone de champ magnétique interstellaire. Le fluide de particules et de champ magnétique qui existe à l'échelle de la Voie lactée et dans lequel la bulle solaire flotte, se promène en fait autour du centre de la Voie lactée. Donc, il y a une espèce de comme un bateau qui pousse, il y a une espèce de vague de front. Donc, il y a une espèce d'héliopause, donc qui est la frontière avec cette héliosphère qui fait la transition avec le milieu interstellaire. Et on s'est dit que on faisait des calculs que c'était possible avec des voyageurs qu'on pouvait la rejoindre. Et enfin, ça s'est fait. Ça s'est fait au début des années 2010. J'ai les données quelque part ici, là. Je vais vous donner ça. Donc, en gros, le voyageur atteint cette frontière. En gros, la frontière est à peu près à 18 milliards de kilomètres du Soleil. C'est 8 loin. Milliards. 18 milliards. Oui, c'est loin. Nous, on est à 150 millions de kilomètres du Soleil. Pluton, Neptune sont à peu près à 4 milliards de kilomètres du Soleil. Donc, en gros, ils sont à peu près 4,5 fois la distance de Pluton. Donc, les sondes sont rendues un peu plus loin, on va y revenir. Donc, on a mesuré cette frontière. De quelle manière? On a trouvé tout d'un coup la densité d'électrons de haute vitesse qu'on mesurait a chuté. En gros, là, par centimètre cube, alors qu'il y en avait une trentaine, tout d'un coup, on tombe à 1. C'est comme si on passe, en quelque sorte, comme dans un vide, entre guillemets. Ça se fait pas instantanément, ça s'est fait sur une période de quelques semaines, de quelques mois. Ah, mais on a vu vraiment la transition et c'est la frontière avec de l'espace dominé par l'héliosphère et l'espace dominé par le milieu interstellaire. Ah oui, donc il y a vraiment une frontière là. Moi, je pensais que c'était continu, là, qu'il y avait progressif, mais il y a vraiment une frontière où on passe en quelques semaines, ce qui est quand même court, 30 particules par quoi? Par mètre cube? Par quoi? Par centimètre cube, disons. Et aussi, la vitesse change. On avait des particules rapides et quand on passe de l'autre côté, il y en a une autre, disons qu'il n'y en a pas beaucoup et tout, mais il y a une espèce d'équilibre de pression dans tout ça qui doit être parce que la présence de champs magnétiques. Donc, en gros, il y a une frontière. C'est un peu, on peut le voir un peu comme une onde de choc, entre guillemets. Oui, d'accord. Donc, les sondes ont passé cette frontière, donc maintenant elles sont dans le milieu interstellaire et qu'est-ce qu'elles continuent à mesurer? Il n'y a plus rien à mesurer? Qu'est-ce qu'il y a? Non, elles continuent à mesurer maintenant le milieu interstellaire. Ouais. En dehors, ils sont toujours sous l'influence du champ gravitationnel terrestre. On n'échappe pas au Soleil encore. On a sorti de l'influence héliomagnétique, mais on est toujours attiré gravitationnellement par le Soleil. Ouais. Et cette transition où on va échapper définitivement au Soleil, ça va se faire à peu près dans 10 000 ans. Ah, peut-être qu'on ne le verra pas alors. En tout cas, les sondes vont arrêter de fonctionner quand même d'ici Absolument. Là. Donc, comment ça se fait que les sondes fonctionnent encore aujourd'hui? Donc, il n'y a pas de panneau solaire sur ces sondes-là. Et d'ailleurs, il y a toutes sortes de raisons. On est trop loin, il n'y a pas assez d'énergie du Soleil. Donc, on a utilisé ce qu'on appelle une espèce de batterie qui marche par effet thermoélectrique. Donc, on transforme la chaleur en électricité. Et la source de chaleur, c'est une source de plutonium, un isotope du plutonium qu'on appelle le plutonium-238, qui est un peu un résidu des réacteurs nucléaires. Et même si je me demande s'il n'y a pas une partie aujourd'hui de plutonium-238, parce qu'on l'utilise quelquefois, qui revient finalement des armes nucléaires qui ont été finalement traitées. Parce que suite à un accord entre l'Union soviétique et les Américains, il y a beaucoup d'armes nucléaires qui ont été mises au rancard. Mm. Mais il y avait des sources d'uranium, de plutonium à bord de... Donc, on a tout traité. Donc, il y a le plutonium-238, qui est un élément radioactif, très radioactif, donc avec une durée de vie de l'ordre d'une quarantaine d'années. À l'époque, ça générait de l'ordre de 400 watts. Mm-hmm. Beaucoup 400 watts. Là. Votre grille-pain, il a besoin d'un kilowatt. Là, on est à peu près à la moitié et moins. Donc, il faut faire économie d'énergie. La principale requête d'énergie sur les voyageurs, c'est de garder l'antenne de communication qui fait quelque chose comme presque 4 mètres de diamètre orientée vers la Terre. Mm-hmm. Et garder aussi les instruments en fonction. Ça ne demande pas tellement d'énergie, mais ça en demande. Mm-hmm. Donc, on a fait dans les dernières années toutes sortes de trucs pour diminuer la consommation d'électricité. On est là, on est devenu très économe et très inventif à couper quelque chose dont on n'a plus vraiment besoin et présente plus de risques pour le fonctionnement des appareils. Mais ça paraît quand même assez fascinant de penser qu'on est capable d'envoyer des commandes pour réduire les consommations d'énergie à une sonde qui est quoi, à 20 milliards de kilomètres, vous avez dit? Oui, à peu près à cette distance-là, de l'ordre de 20 milliards de kilomètres. On envoie une commande, on est capable de cibler, d'orienter précise. D'abord, il faut savoir où elle est, la sonde, pour envoyer Absolument. Le bon endroit dans le ciel, et puis de dire à la sonde, éteins cette lumière. Donc, exactement, parce qu'on la voit pas, on la détecte par les signaux qu'on reçoit, donc on la positionne, et aussi par la navigation, par l'astronautique, on sait exactement où elle est dans le ciel. Mais il faut exactement orienter, pointer les antennes vers la sonde. On le fait régulièrement pour envoyer des commandes, entre autres justement pour faire l'équivalent d'éteindre les petites lumières qui consomment un peu d'énergie. Et très rapidement, dans la petite minute qui nous reste, en fait, on s'attend à quoi comme nouvelle mesure, puisque maintenant elle est sortie de la zone d'influence magnétique du système solaire. On s'attend à quoi comme changement dans ce qu'elle va mesurer? Moi, je m'attends à des mesures assez constantes, quelque peu ennuyantes, mais la valeur qu'on va obtenir des données mesurées de la densité des propriétés du milieu interstellaire sont de grandes. En importance, parce que finalement, c'est la première fois qu'on fait une mesure directe, donc in situ, de ce milieu entre les étoiles et qu'on peut extrapoler, être un peu le même à travers toute la Voie lactée. Donc, c'est une mesure importante, mais en même temps aussi, je pense que le défi technique qui a été accompli ici est quelque chose d'absolument extraordinaire qu'il faut célébrer. Oh, absolument. Bah, alors, célébrons-le, effectivement, cette longévité de ces sondes envoyées il y a 47 ans. On va voir si les sondes envoyées aujourd'hui vont perdurer aussi longtemps que ça, si elles seront encore en activité dans 50 ans. Alors, merci beaucoup, Jean-René, pour cette promenade aux confins du système solaire. Grand plaisir. Nous étions donc en compagnie de l'astrophysicien Jean-René Roy. Ainsi se termine.